Tout est accompli, tout est réalisé. Au fil de toutes ces années, j'ai senti que mon devoir le plus sacré était de te rendre ton avenir. À 30 ans, je t'ai ramené de Saxe. La femme qui tant se réjouissait par la voix de Lourdes et de Fatima. Tu as lavé mes blessures avec des peines. Ce matin, je crois encore en toi. Cause fidèle de mes tribulations. De la Floride à Saint-Gilles jusqu'à Auch. Je poursuis des consolations illusoires. Tu déplores ton séjour à mes côtés. Ta liste de griefs fut mon sacrifice. Je t'ai donné le russe, le portugais, l'espagnol. Et les postes de travail qui t'honorent, soupirant de profonds disséveillants. Je prie le ciel pour ton bien-être, même si tu exposes mon crâne.